ثم قال في الآية ما أريد منهم رزق je veux pas de subsistance. Allah dit ça de nous. ما معنى هذا لم يريد الله منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم. Ça veut dire quoi? Que Allah Azza wa Jal n'attend pas de toi que tu t'octroies ta propre subsistance. Ça veut dire que tu te calèves. D'accord? Pour toi ou pour les autres. Allah ne t'a pas créé pour ça. وجاء في آيات وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. Il n'y a pas de bête sur terre sans que sa subsistance ne coupe à Allah. Donc Allah c'est Razzaq. Son nom il est établi. Pour te dire que huwa allazi yarzuq jami' al-makhluqat. Donc toi, cela est en même temps un tambih pour les gens qui pensent que leur vie est pour travailler, manger et vivre. On dit là, tu as des causes à faire, mais la cause de ton existence c'est pas ça. Le but de l'existence c'est pas ça. Yarhamakallah. Et que ton risque, Allah te l'a promis, va te donner. Donc t'as pas à être fatigué, ou encore pire encore, te laisser la transgresser, pour obtenir une chose que Allah t'a déjà garantie. Mais tu fais les causes légiférées, avec modération. Et kazalik, que tu n'as pas à le faire pour les autres. Que des gens, tu vas aller voir, mesalène, faire des jam'iyat, associations de bienfaisance, se vanter de dire que nous, on envoie des colis alimentaires, on fait ceci, on fait cela. On dit, et que lorsque Methelen, comme ça arrivait avec l'une là, comment ça s'appelle, hein, qui se sont fait dissoudre par la Dola il n'y a pas longtemps, par la France, à entendre parler ces gens-là, on dirait que sans eux, les gens vont mourir de faim. Tu vois, on faisait. On dit, même sans vous, Allah Azzawajal, le risque des serviteurs, il est écrit. Soit pour les mu'minin, les koufars. Et Allah, tu n'as pas de calab d'aller faire des mukhalafat pour pouvoir aller donner à manger aux gens. C'est une bonne chose, c'est mustahab. D'accord? Mais pardon de faire cela pour cela, de faire du mal. Car eux, en fait, ils cachent leur isbiya et leur bida par ce genre de comportement. Se faire aimer par les gens en donnant des actes de bienfaisance. Des sadaqas, des aumônes, des puits, de l'argent. Et lorsqu'on les blâme, comme dit Cheikh Mokbil, ils disent, regarde, ils nous reprochent de faire des puits, de donner à manger aux gens. Non, c'est pas ça qu'on vous reproche, c'est la isbiya. Ces actes, c'est juste une couverture pour appâter des gens vers vous. D'accord? Car vous donnez à manger aux gens, et Allah c'est déjà, lui-même a déjà dit qu'il va le faire. Mais, en contrepartie, vous égarez les gens. Wada ashad. Wada ashad. Vaut mieux encore mourir de faim, être hostile comme moi, qu'être bien rassasié, et être dans l'égarement. Et ces gens-là, ils appellent à l'égarement. Car une fois que ils sont dans ton cœur, khalas, tu vas les défendre. Tu ne vas plus voir le mal qu'ils font. Le responsable de cette jam'iyat, c'est un khariji. Il s'en contre les hukem, un takfiri, fait le takfir des muslimines, un qutbi, les éloges de Sayyid Qutb, ou al zalika. Il déteste les salafis. D'accord? Et ces gens-là disent combattre l'injustice. On dit takazzab. Car la bid'a est parmi les pires des injustices, après le shirk. Donc tu vois, tu es une personne injuste. Et ils disent vouloir défendre les opprimés. On dit takazzab. Car les gens, en les égarant, tu fais de des opprimés. Tu ne les défends pas, tu les égares, les gens. Donc attention à ce genre d'attitude. Et des gens, Mefalen, parmi nous, sur le Khay, qui voient cela, et qui veulent faire pareil. Ils ont une bonne nia, les gens. On veut aider les pauvres, on veut. Tu vois? On dit, aide les pauvres, tant que cela n'amène pas une mukhalafat. Adi mukhalafat. Et ne crois pas que sans toi, les gens vont mourir de faim. Je dis, comment on va faire si on n'y arrive pas? Comment on va faire? Allah wa razzaq. Qal. C'est Allah qui va leur donner leur subsistance. Même sans toi. Demain, tu vas mourir. Qui va les nourrir? Et certains sont plus vieux que toi avant que tu deviennes qui les nourrissait. C'est Allah qui va donner la nourriture. Toi, tu es un sabab. Tu es un sabab que Allah a mis sur leur passage pour être nourri. Mais sans toi, il y aura deux sabab qui vont venir. Et en plus, dans ces heures d'action, il y a du riya. Ostentation. Car ils n'arrêtent pas de se prendre en photo. On a fait. Tu vois, à la base, tes actes, tu te discrètes le plus possible. Et t'as rien fait. Ce que t'as fait là, c'est l'argent des muslimines. Car ces gens-là qui font ces jamaïettes-là, ils te disent, c'est pour la bienfaisance, wallah, il n'y aurait pas un billet derrière pour eux, il ne ferait rien du tout. Il n'y aurait pas un petit bénéfice pour eux derrière. On dit, toi, je te donne l'argent là, je te donne 100 euros pour les pauvres, et toi, t'as rien. Va donner aux pauvres 100 euros. Il ne le fera pas. Je te donne 10 000 euros pour tes gens, et toi, t'as pas un euro, juste tu leur donnes. Il ne va pas les prendre. Eux, ils veulent, on va dire, leur leur part. Tu vois, leur part. Ils t'enlèvent leur part, tu verras que ces gens-là, ils font plus rien. Donc c'est quoi leur nid en réalité? Ils jugent pas tout individu. De façon générale, ces gens-là, hein, leur but c'est quoi? C'est de remplir les poches eux-mêmes. L'autre, il le disait, ce idéaliste-là. Dans un tweet que j'ai vu il y a longtemps, il disait quoi? Il y a quelques années, j'étais, j'avais qu'un poulet dans mon frigo, et maintenant je suis à la tête d'une OMG, comment ils appellent ça? OGM. Un Jamriat de là, à la, d'une fortune de plus de 8 millions d'euros, je ne sais quoi. Donc c'est quoi ton but maintenant? De lui-même, il l'a dit. De lui-même, il l'a dit. Pour dire, c'est quoi ton but? Amasser de l'argent. Comme le faisait Abdurrahman, Abdul Khaliq, Koweiti, de la Jamriat, Yahya Touraf. Et son argent, que les gens donnaient, ou peut-être plus, pour gagner les gens. Diviser les entre les salafis. Donc attention, pour ceux qui sont avec ce genre de Jamriat. Allah wa Razak, c'est lui qui donne la substance aux gens. Donc, on n'a pas à s'imposer des choses qu'il ne nous a pas imposées. Mais il les a juste créés pour qu'il l'adore et pour qu'il puisse accomplir cet acte, il s'est lui-même, vous voyez, mis à charge, si on peut dire comme cela, de leur donner cette distance. Pour que les gens disent, Ya Rabbi, j'ai pas pu t'adorer parce que je devais prendre mon risque. Un tac azab. Allah était ton risque, tu l'as écrit. Donc toi, fais tes causes minimes et légiférer pour avoir ton risque qui va te venir. Et le plus important, c'est que tu l'adores. Ahamishi, c'est que tu l'adores. Donc le fait de dire, je n'obéis pas à Allah pour avoir mon risque, Adam in Akbar al-Kazim. Les gens qui disent pour le travail, je ne fais pas telle chose, ils abandonnent l'adoration, on dit que c'est parmi les plus grands mensonges. Car ton risque, Allah te l'a promis. Et il t'a dit, tu n'as pas créé pour cela. C'est-à-dire que tu as fait devancer ta subsistance sur le but de ta création. Ala khata kabir, azim. Ou Adam ayan bari. C'est une erreur. Et Allah Azawajal, il est le véridique dans sa promesse. Et il est, ce qu'il t'a dit, qu'il t'a promis dans sa puissance, il est capable de le faire. Quand il est fort et surpuissant.